l'argent s'assure. Mon pépé a kaina eleka qui peut kumbisa motina suka moba matongi de qui de kisha sauvé na Paris. Mon pépé a kaina eleka qui peut kumbisa motina suka moba au génie. Kisha sabaze la kabiso Osoba liboso maele sima Ojeni wakangana Oyakande koluka lukare Milano Yonde somi ya famiye Samisaz Mama wapembeni akosunga yo Bezi lolita bakola nesengo nalena Yonde somi ya famiye Lilivanda Rako vicho pembeni akosunga yo Roma Sala, Charme Mboule. Les Alice, c'est que les hauts, y'a moi si la mobali à ballon, la conseil va se lever, mon pinzoli la mise en attaque, la lance à moi pas un zambé, la mi pensina yo macha. Peuple Mouzombo, mon miano. Misso y'a bateau et quoi sa bisso, t'es pas dit qu'à quoi y'a ma sanguinia, on s'allie ma panzina ma. Se monte ma jata songo na buya ya nzambe jino ibono topo longa ya nalibe muka wasuka se nalilita Makonda da Silva, maire de Genève. Esa lise se keleo ya mwasi na mobali shiko na konze mbaselo yembo na pinzoli na miso na mai na losa kwepa ya nzambe na mipesi na yo. José Kalemba, Gila Roche, Bukoko. Miso ya bato ye kosa biso te doti kako yo kama senginya. Ozali mo panzila na olinge, kanga se motemba. Nango ya yanza mbelebe, yale toko longa. Yangana nitumba suka sena lilita. Bebe Zushi, Donet.